Chapitre 7e, dénouement. Nous nous garderons de peindre l'horrible désespoir d'Édouard de Méran, nous laisserons parler les faits. La réunion de la famille de Sancerre eut lieu le soir, comme il avait été convenu chez Madame de Méran. On y arrêta les conditions du mariage d'Édouard et de Clotilde, et la cérémonie fut fixée au mois suivant. Or, les employés, les voisins de la mairie du 10e arrondissement de Paris, se rappellent encore et se rappelleront longtemps la scène qui se passa, le mois dernier, dans la salle des mariages. Les époux étaient réunis avec leur famille et leurs témoins. Toutes les écritures préparatoires étaient achevées. Le maire, ceint de son écharpe, venait de monter à la tribune où il représente la loi, et adressait aux jeunes gens qu'il allait unir l'interrogation solennelle. Tout à coup, au moment où chacun attendait la réponse de l'époux, on voit ce dernier chanceler, défaillir, est tombé au milieu des assistants. Un cri général retentit dans la salle si habituée au silence, et l'on se presse avec effroi autour du jeune homme évanoui. La fiancée, confuse et épouvantée, disparaît avec une partie de sa famille. L'époux est étendu sur des coussins entassés à la hâte. Un médecin arrive et le saigne abondamment, en défendant de le transporter ailleurs avant la nuit. Enfin, au bout de 2 heures, dans la salle où il était entré en si grande pompe et en si brillante compagnie, le malade se trouve seul avec sa mère, et une jeune fille arrive près de lui on ne sait comment, et que personne ne paraît connaître. Ce jeune homme, c'est Édouard. Cette mère, c'est Madame de Méran. Cette fiancée qui s'est enfuie, c'est Mademoiselle de Sancerre. Et cette jeune fille qui s'est glissée à sa place, c'est Marguerite. Comment se trouve-t-elle là? Comment tout cela est-il arrivé? Bien simplement. Marguerite, sachant l'heure et le lieu de la cérémonie qui vient d'être si brusquement interrompue, a eu l'idée qui vient souvent au malheureux sans espoir d'épuiser jusqu'à la lie le calice de sa douleur. Elle a voulu voir une dernière fois le jeune homme par qui on l'a fait maudire, elle qui n'a vécu que pour penser à lui. En descendant de voiture, Édouard l'a aperçue dans la foule. Cet aspect inattendu a réveillé en lui tous les sentiments qu'il croyait éteints. La secousse physique et morale qu'il a éprouvée, jointe à l'affaiblissement notable où il était d'avance, l'a mis dans l'état cruel où nous l'avons vu. Marguerite, accourue au cri qu'elle a entendu du dehors, par un instinct qu'il est aisé de concevoir, a prodigué ses soins au jeune homme d'autant plus facilement que tout le monde l'a cru appelé auprès de lui comme auxiliaire de sa famille. Et Madame de Méran ne l'a pas reconnu, d'abord parce qu'elle l'a regardé à peine, puis parce que la pauvre fille est si changée qu'elle est méconnaissable. La première personne qu'Édouard aperçut en rouvrant les yeux, ce fut sa mère. La seconde, ce fut Marguerite. Alors, par un de ces phénomènes que comprendront toutes les âmes sensibles, rapprochant dans sa pensée les circonstances dans lesquelles il avait perdu la jeune fille, de celles où il la retrouvait, il eut une sorte de révélation intérieure et subite du stratagème dont ils étaient victimes. Il prit la main de sa mère et lui montre Marguerite, que Madame de Méran reconnut en tressaillant de surprise et d'effroi. « Tenez, » dit-il, « la voilà revenue. Vous voyez bien qu'elle m'aimait. Qui donc lui avait dit de me tromper ?» Madame de Méran baissa la tête et se recueillit en silence. Peut-être demandait-elle pardon à Dieu. « Ah, ma mère !» dit Édouard, en pressant d'une main celle de Marguerite et de l'autre celle de Madame de Méran. Ce fut tout son reproche et toute sa vengeance. « Enfin, le ciel soit béni !» reprit-il avec un rayon de joie lugubre dans le regard. « L'une s'est trompée par amour pour moi, l'autre est revenue à sa place. Je mourrai entre vous deux. »« Vous ne mourrez pas !» s'écrièrent les deux femmes en pleurs. Mais lui se sentait frappé au cœur et à la tête. Il savait bien qu'il succomberait. Le lendemain, en effet, une congestion cérébrale se déclara, et 8 jours après, son état était désespéré. Marguerite ne le quitta pas une seconde. Ayant repris connaissance avant d'expirer, et l'ayant aperçu agenouillé près de son chevet, entre sa mère et le prêtre qui lui avait administré les secours suprêmes de la religion, Édouard dit à ce dernier « Ma mère, puisque je vais mourir, qu'importe les préjugés d'ici-bas, ne pouvez-vous pas m'unir à Marguerite devant ma mère et devant Dieu? Le monde et nos familles n'en sauront rien. » Madame de Méran cacha son visage inondé de pleurs au bord du lit, et le prêtre, mettant la main du mourant dans celle de la jeune fille, étendit sur eux les siennes, et reçut le dernier soupir d'Édouard. Depuis quelques semaines, on aura pu voir tous les jours au cimetière du Montparnasse deux couronnes fraîches déposées le matin sur la tombe d'un jeune homme. La semaine dernière, on n'aurait pu remarquer qu'une seule couronne sur cette même tombe. Et l'autre jour, devant ce même hôtel de la mairie où s'était passée la scène que nous avons décrite, un équipage magnifique et un modeste corbillard se sont heurtés dans la rue de Grenelle. L'équipage portait Mademoiselle de Sancerre à l'ambassade d'Autriche, où elle allait être présentée au plus riche parti diplomatique du faubourg Saint-Germain, et le corbillard portait le corps de Marguerite Aubert, qui allait rejoindre celui d'Édouard de Méran au cimetière de Montparnasse. L'une avait aimé suivant le monde, l'autre suivant le cœur. Laquelle avait le plus et le mieux aimé? Madame de Méran loge aujourd'hui dans son hôtel le compagnon d'armes de son mari et l'artisan Daniel, et tous trois vont souvent, mais non pas ensemble, visiter les deux tombes d'Édouard et de Marguerite, qu'une société vengeresse n'a rapprochées qu'en y traçant ces mots. Les extrêmes se touchent, mais ils se brisent. Pitre Chevalier.